C'était passionnant, enfin, aussi bien l'exposé de Claude que celui d'Isabelle. Il faudrait les faire connaître, ces deux exposés, et l'ensemble du système s'effondre, on est bien d'accord. Parce que on hésite devant tout ça, et le débat va s'engager, je voudrais le provoquer un peu. On hésite devant tout ça, devant une espèce de consternation, devant l'absurdité monstrueuse de tous ces discours, et la plupart de nos collègues, enseignants et chercheurs, mis devant ça, disent « mais... » Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a rien à voir avec ce à quoi nous croyons et ce que nous faisons. Hein, on peut imaginer ça, et c'est pourquoi je crois que de tels exposés doivent être largement diffusés. Mais évidemment, on peut aussi tout simplement observer la puissance de le côté totalitaire et tragique de tout ça. Une idéologie, un vocabulaire, des institutions tentaculaires, des évidences bétonnées et des forces, y compris parmi nous, n'est-ce pas, qui ont pour certaines épousé ces doctrines et pour d'autres qui les prennent à la légère. Parce que je crois qu'une des réactions de tous nos collègues qui participent joyeusement et intelligemment au comité de visite de l'ARS dit, écoutez, oui, tout ça, c'est bien loin hein, de notre expérience. Donc voilà, on va débattre, on va pour une fois consacrer un tout petit peu de temps à ce qu'on peut faire, puisque donc je vous propose qu'on réserve une dizaine de minutes peut-être. Michel Barthélémy revient de Dijon où un débat s'est engagé sur la façon précisément d'organiser internationalement des forces pour résister à tout ça. Et donc, peut-être pourrait-on commencer à réfléchir à la question du que faire. Mais d'abord, débattons du fond, si vous le voulez bien. Prends la parole qui veut. Verprat, CNRS. La question, le discours, vous l'avez présenté comme discours CPU, revaloriser Europe, stratégie qualité. Donc, c'est un discours de gestionnaire. Pour qui, savoir. Donc, un président d'université, il émane de l'autonomie, de la communauté, il y a un vote avec les différents collèges, mais en même temps, il est gestionnaire, il doit gérer des moyens, des allocations. À ce moment-là, il rentre dans ce discours-là. Entre gens de la CPU, il se tient ce discours-là, il cherche des méthodes et des expertises que tu as étudiées, etc. Donc, est-ce que c'est un discours de gestionnaire pour les gestionnaires, ce que disent un peu tout le monde? Et en quoi ce discours de gestionnaire va faire écho sur chaque enseignant? C'est là où le point clé dans le quotidien et dans les décisions de chaque université. C'est là où, dans les modus vivendi post-68, on dit, bon, on prend les mesures une à une, on les négocie selon notre contexte, notre conjoncture, notre patrimoine intellectuel ou financier, etc. Quand on le présente comme un discours, ça fait système. Donc, la point clé, un des points stratégiques de ce discours, au-delà du rapport gouvernement national-Europe, c'est le rapport communauté des enseignants, président d'université, CPU. Parce que si on pousse un rapport de force sur une classification, un président d'université, il est entre les deux, il est émanation de la communauté enseignante, et il est relais de ce discours-là. Oui. Donc c'est là où... Est-ce que c'est pas un point stratégique, quoi? Donc mon nom est Lionel Larquet, donc je dois être l'un des rares autour de cette salle qui n'est pas chercheur, qui n'a pas d'intérêt dans l'université au sens client ou salarié d'une entreprise de production de connaissances, et qui m'interroge depuis donc, en gros, une quinzaine d'années de militantisme sur... Je vais le dire comme ça, l'autarcie, voire l'autisme d'une grande partie de vos acteurs et de vos institutions par rapport à ce qui se passe dans le monde depuis une trentaine d'années. Et je dirais que ce qui arrive là maintenant n'est que la déclinaison de ce qui s'est passé dans la téléphonie, dans le fret, dans le monde de l'automobile. En gros, le processus que vous vivez là, dont vous, et je pense pour l'avoir aussi travaillé, vous vous sentiez prémuni par votre statut social et l'image que vous en avez, donc la mythologie que vous racontez à vous-même, vous faisiez dire que vous étiez intouchable, pour le dire rapidement, mais il n'y a aucune connotation négative, et on voit que personne ne l'est, à quelques rares petites exceptions près, à la limite. Donc je dirais que s'il y a initiative à prendre, parce que c'est plutôt là-dessus qu'on a pris une initiative il y a de cela maintenant 3-4 ans, qui s'appelle le Forum mondial Sciences et Démocratie, dont la seconde édition aura lieu à Dakar dans 3 semaines, et qui rassemblera des mouvements sociaux et des scientifiques et leurs institutions des 5 continents, justement pour poser cette question-là, non pas des alternatives, mais de la fédération des énergies, des gens qui ont déjà compris ce qui se passe. Je dirais que, non pas contrairement à ce que vous disiez en introduction, mais je pense qu'il ne faut pas non plus passer trop de temps pour essayer de déconstruire ce qui est en train de se passer. Le travail, notamment remarquable d'Isabelle et d'autres, montre depuis pas mal d'années ce qui est concrètement en train de se passer. Donc je dirais que c'est certes important d'éveiller les consciences, Je pense que le travail, la résistance, l'indignation, comme disait notre ami Essern, etc., part de quelque part, donc de Dijon d'ailleurs. Donc ma proposition ou mon questionnement par rapport là, pour le coup, aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs, mais aussi à ceux dont on n'a pas de statistiques, les sans-statut dans vos maisons, qui fournissent en gros le gros de vos troupes. Depuis 35 ans, vous vivez parce qu'il y a des sans-statut. Il y a une précarisation massive autour de vous, dont vos institutions se sont en grande partie aussi intéressées, non pas en tant qu'homme directeur de labo, mais politiquement, je veux dire. Donc la proposition, c'est, je pense, moi, stratégiquement, que ce qui est en train de se passer, c'est construit, comme tu disais, sur des échelles de temps très très longues. L'hégémonie se construit dans la durée, elle convainc des gens, elle individualise le marché d'évaluation. Mais pour résister à ça, ça n'est pas une corporation qui peut y arriver. C'est une corporation qui s'allie, dialogue de façon permanente avec des acteurs sociaux, etc., vous le direz comme vous voulez, qui sont intéressés, préoccupés, concernés au sens anglais, parce qu'ils vous arrivent. Et je dirais que l'un des bilans que nous, on a porté politiquement de votre mouvement il y a 2 ans, était, vous aviez un capital sympathie gigantesque au début du mouvement, et au fur et à mesure que le mouvement a duré, une incompréhension du public de ce qui est en train de se passer. Donc une difficulté aussi d'une partie de vos membres d'expliquer ce qui est en train de vous passer et d'avoir construit en amont des espaces de dialogue permanents entre universitaires, leurs institutions et des catégories d'acteurs qui s'intéressent et qui sont préoccupés par, en gros, pour le dire vite, l'appareil d'enseignement supérieur. Et je pense que, stratégiquement parlant, si ce sont des universitaires qui peuvent changer l'université, c'est voué à l'échec. Je pense vraiment qu'à l'échelle de la durée, vous allez perdre parce que face à vous, vous avez des gens dont tu as dit que c'est absurde. Mais non, justement, c'est tout sauf absurde. C'est une vision du monde, de l'humain dans l'appareil de production, d'un new taylorisme très très violent, voire, voilà, je pense que c'est tout sauf stupide, et il ne faut surtout pas porter là-dessus un regard, non pas condescendant, ce n'était pas votre propos, mais qui consiste à dire, mais de quoi, mais qu'est-ce que c'est cette vaste connerie? Cette vaste connerie à 40 ans de base de conceptuelle théorique qui fait que. Donc je pense que ce que j'appelle, c'est un espace de dialogue entre des acteurs préoccupés par l'enseignement supérieur et vous. Bah écoutez, je suis très contente que quelqu'un ait parlé de Dakar, parce que je pense que effectivement ce sera un moment important. Moi, je n'avais pas d'éléments très précis, mais en tout cas, cette espèce de lieu où, à la fois dans la science et dans le mouvement social, va pouvoir essayer de discuter ensemble de quelle manière on peut essayer de penser l'avenir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est le processus de Bologne n'est pas un exemple pour le reste du monde. C'est ce qui se passait dans le reste du monde qui est devenu un exemple pour le processus de Bologne. C'est plutôt dans le sens inverse que ça s'est passé. Parce que pour avoir connu l'université à Hong Kong, par exemple, depuis 20 ans, c'est exactement ce qui se passait, que ce soit aux États-Unis ou en Asie, enfin en Asie, à Hong Kong, dans un certain nombre de lieux, depuis très très longtemps. Donc c'est plutôt ce qui s'est passé, ce qui a été mis en place dans ces structures qui a été développé sur l'ensemble du monde. Donc là, on n'est pas tout à fait dans le même... c'est pas tout à fait dans le même sens. Mais j'aime pas cette expression, les pays en développement, il y a... Mais Hong Kong n'est pas un pays, enfin n'était pas un pays en développement. Hein. Je veux dire, c'est pas ça. Donc, oui. À ce propos, tu cites Hong Kong, mais c'est peut-être le modèle anglo-saxon, c'est le modèle états-unien. Absolument, états-unien et Hong Kong. Et anglais, moins anglais, c'est plutôt états-unien. Notamment du point de vue de l'évaluation. Ces évaluations, moi j'ai enseigné à Yale, on y était soumis déjà dans les années 90, c'était tout à fait normal. Même un peu avant, je pense, même un peu avant. Donc c'était ça, c'est à la fois, et je crois que, et je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous utilisez le terme de totalitaire, parce que quand on parle d'auto-évaluation, lorsque l'on ne donne pas les règles de l'auto-évaluation, on est dans le totalitarisme, c'est quand même quelque chose que l'histoire nous a appris à connaître. Et effectivement, c'est à partir où on prend conscience de cet aspect totalitaire, je crois que l'on essaye de comprendre quelles sont les armes que l'on va pouvoir utiliser pour se battre contre. Et aussi comment, et moi j'ajouterais un peu la ruse, parce qu'il faut aussi l'instrumentaliser. On a un certain nombre d'éléments qui nous tombent dessus, plus ou moins. Il faut aussi savoir les utiliser à notre propre profit. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Ça, c'est dans la discussion. Voilà. Je Donc moi, je suis Evelyne Perrin et je rebondis sur ce qu'a dit Lionel, dont j'ai oublié le nom, parce que je trouve qu'il a souligné quelque chose d'important. En fait, comme je fais des enquêtes sur les mouvements sociaux, j'avais fait une enquête sur le CPE au moment du CPE en 2006 auprès de beaucoup d'étudiants et je l'avais un peu posé de côté au moment du mouvement, le premier mouvement des étudiants à la rentrée 2007 contre la LRU. J'ai réinterviewé des étudiants, puis ensuite en rentrée 2008, j'en ai réinterviewé. J'ai constaté qu'ils avaient été un peu seuls à dénoncer les dangers de la LRU à la rentrée 2007. Et par contre, à la rentrée 2008 et fin 2008, quand les décrets d'application sont sortis, masterisation, etc., les enseignants-chercheurs, les chercheurs ont pris conscience, peut-être un peu tardivement, je ne sais pas, mais enfin, se sont mobilisés par la longue grève de 2009. Mais cette grève, je le constatais dans un livre que j'essaye là maintenant de publier, comparant le mouvement du CPE et le mouvement de la LRU. Malheureusement, la grève des enseignants a été perçue par la population comme une grève corporatiste. Elle n'a pas été. La population n'a pas pris conscience, à la différence du CPE où tout le monde avait pris conscience de la précarisation plus grande des jeunes. À ce moment-là, la population n'a pas pris conscience que ça la concernait, que la liberté du savoir, etc., et la condition faite aux étudiants, mais aussi aux enseignants dans cette mise en place d'une concurrence effrénée, touchait la population. Or, elle n'en a pas pris conscience. C'est très dommage parce qu'il y a eu une lutte des étudiants en 2007-2008, une lutte des enseignants en 2008-2009 qui ne se sont pas croisées. Mais ce que je voulais dire, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même... actuellement pas mal de résistance. Les étudiants continuent à se coordonner au niveau européen, ils se rencontrent assez régulièrement au niveau européen pour résister au processus de Bologne. Et il y a aussi par exemple le 4 décembre, il y a eu le forum des résistances dans les services publics où se retrouvaient des enseignants de l'éducation nationale, de la Poste, de RDF, GRDF, de Pôle emploi. Donc il s'agit bien de se coordonner avec les étudiants, avec les autres agents des services publics, parce que c'est bien la même logique qui a touché d'abord le secteur privé et qui maintenant impacte très brutalement le secteur public. La lueur d'espoir la plus forte est justement celle que vient d'évoquer ma voisine, donc cette affaire du forum de résistance des services publics. Il était temps qu'on se mette d'accord. Mais disons, pourquoi on n'a pas vu il y a longtemps, je me souviens donc de notre collègue Gérard Lanclos qui disait que déjà sous Jospin, on avait déjà décidé d'éliminer, je ne me souviens plus si c'était la moitié ou disons une proportion gigantesque des anthropologues. Et bon, évidemment, il n'est pas responsable de ça, mais déjà, où étaient, disons, les politiques dans tout ça? Si sous Jospin, on avait ça, qu'est-ce qui arrive quand il y a 29 politiques qui se rencontrent de pays, genre la Hongrie et compagnie? Donc, nous n'avons finalement pas... Nous pouvons évaluer ou proposer tout ce qu'on veut. Si nous avons des ministres de ce type, ça ne servira strictement à rien. Et puis, donc, c'est magnifique qu'il y ait des forums de ce type pour s'attaquer au public, donc au grand public qui ne connaît pas la recherche et, à mon avis, s'en fiche complètement, même la méprise. Il faut, au contraire, se rattacher, justement, aux problèmes de santé et expliquer, profiter de la catastrophe du Mediator et autres, et s'accrocher à ça, dire que nous, scientifiques, entre guillemets, humanistes si l'on veut, critiques si l'on veut, nous sommes, c'est à cause donc de ces politiques que nous avons droit à un médiateur tous les jours et qu'on en aura 10 000 dans le futur. Je prends ça comme exemple quelconque. Mais si on ne prend pas des choses de ce type... Et enfin, troisième chose, c'était ce que disait Christian avec le service, avec la soumission. C'est en réalité, ce n'est pas la peine pour ce monsieur Lionel de nous attaquer, nous, parce que le fait même d'être ici montre que nous sommes évidemment ceux qui sont contre. C'est ceux qui ne sont pas dans ce salle. Non. C'était pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas une attaque. Non, mais disons, vous avez raison de dire que les gens... Que les, oui, mais cette critique ne sert à rien si c'est fait ici. Ce qu'il faut, c'est attaquer ceux qui ont profité à tous les niveaux possibles. Et il y en a beaucoup, y compris parmi nos collègues, et qui sont là à mettre les primes dans les poches, à dire à un moment, quand il s'agissait d'évaluer les publications, de dire « Ah, moi, j'ai assez publié, donc je m'en fiche ». On pourrait faire des listes de commentaires très très longs d'un égoïsme et d'une arrogance absolument scandaleuse. Puisque le micro a fait le tour, je propose que la table poursuive le débat si vous le souhaitez. La... Bon, je voulais évidemment m'inscrire. Le micro. Très bien, bon, je voulais quand même m'inscrire. Il faut prendre une certaine distance à l'égard de ce que vous avez dit sur. L'autarcie du monde universitaire et la mythologie dont les universitaires de ces années, à partir des années 80, se sont nourris. Nous avons quand même été nombreux, même en restant en minorité, à dénoncer les conséquences de politique de la qualité, de politique du management à l'américaine, introduite d'abord dans les entreprises privées, puis dans les services publics peu à peu privatisés, et puis finalement à l'université. Et on ne se faisait pas la moindre illusion. En sachant très bien que ça s'adresserait finalement à tous les services publics, y compris les services de l'enseignement. Hein. Et ça, notamment dans le domaine des sciences sociales, il y a beaucoup de travaux qui ont paru, d'articles aussi, de dénonciation de ces pratiques et de cette politique générale, totalitaire, en effet. Et on savait très bien que les universités, tôt ou tard, en tant que service public, serait touché. Alors, sur la première question, sur l'aspect gestionnaire, le rôle gestionnaire du président d'université qui, de toute façon, après, est soumis à l'élection de ses pairs. Il y a eu une avec la LRU. Alors là, j'avoue que je vous allez m'aider. Le conseil d'administration, maintenant, enfin les électeurs du président d'université, le pourcentage de personnalités extérieures, il a été passé à 50%, c'est ça, non? Bon, à cela s'ajoutent les politiques des primes en interne qui amènent nombreux collègues à être en quelque sorte vassalisés. En tout cas, moi, mon expérience dans une université de droit et santé, c'est vraiment prégnant, et c'est absolu, c'est dingue à quel point les personnalités, en raison de la distribution de prébendes, sont fidèles et respectueuses envers le président, président d'université qui est également président du presse, et qui, on vient de le découvrir aujourd'hui parce qu'il y a eu une pression d'exercer de la part de camarades de la section SNESUB de Lille 1, ils ont réussi à obtenir le projet d'IDEX dont aucun personne n'a eu connaissance, aucun conseil n'a été consulté. Ce sont nos présidents d'université lilloise qui se sont mis ensemble et qui ont construit là ce... Je ne sais pas si vous avez vu les noms, juste pour... Vous avez vu la liste des IDEX qui sont sortis, mais c'est à mourir de rire. Excusez-moi, parce que c'est quand même rigolo. Il y a les titres, par exemple, l'Université de Strasbourg, c'est l'Université de Strasbourg, par-delà les frontières, l'Université de Strasbourg. Ou encore, Paris, Sciences et Lettres Étoiles, rendons possible le nécessaire. Donc, ils se sont... Ou encore, à Bourgogne... Ouais. À Bourgogne, Hume Anticipation, éco-technologie pour l'homme et l'environnement. Bon, je vous passe parce qu'il y a toute une liste. Mais bon, ça, c'était une parenthèse parce que c'est assez drôle. Un peu d'humour, ça fait du bien. Donc, je ne suis pas sûre que le contrepoids démocratique par l'élection du président d'université soit un outil puissant, suffisamment puissant, en tout cas, pour enrayer cette évolution gestionnaire. Et... Dans l'aspect gestionnaire, il ne faut pas réduire la gestion à un phénomène purement comptable qui ne concernerait que quelques officines de l'université. Là, ce que je vous ai décrit, je ne sais pas si vous étiez arrivé lorsque j'ai donné les exemples de Nancy, etc. Ça va affecter le quotidien d'enseignants-chercheurs. Moi, j'ai fui. J'étais sur une filière qui m'orientait vers le monde de l'entreprise. Je suis partie vers la recherche pour éviter justement d'avoir à me retrouver dans la cage d'acier décrite par la cage bureaucratique décrite par Max Weber. Là, on va être vraiment empêtré dans des procédures écrites, explicitées. On va devoir récupérer les questionnaires de nos étudiants. On va être soumis à leur... Alors, on a tous sans doute l'impression, on se dit, bon, mais moi, je fais un bon cours, c'est bon, j'ai pas peur de leur avis, etc. Ça va quand même instiller une culture de clientèle, enfin de clientélisme, et de, les étudiants vont avoir un comportement de client encore plus fort que ce qu'ils ont déjà parce qu'ils commencent à l'avoir sérieusement. Mais plus encore, nos recherches vont, enfin toutes les procédures, tout va être codifié. Notre métier, l'exercice de notre métier, ne va plus relever du principe de l'autonomie scientifique et pédagogique, mais va être enserré dans des procédures beaucoup plus bureaucratiques que ce qu'étaient déjà les maquettes. Parce qu'il ne faut pas non plus idéaliser le modèle précédent, mais les maquettes c'était déjà suffisamment encombrant sur 4 ans. Là, ça va être beaucoup plus. Excusez-moi, je suis brouillonne, mais c'est notamment ce que Zarifian appelle le contrôle par engagement. C'est-à-dire, effectivement, on va être d'une certaine manière autonome, on ne va pas avoir un flic derrière notre dos pour vérifier ce qu'on prépare comme cours. En revanche, la sanction et l'évaluation reviendra un peu comme un élastique à la fin d'une période donnée, à travers les résultats, c'est-à-dire l'évaluation pour nos activités pédagogiques, l'évaluation par nos étudiants, et pour nos activités scientifiques, l'évaluation bibliométrique par l'ARS ou des instance interne à l'université, et c'est à ce moment-là qu'on sentira la pression du contrôle et de la surveillance qui s'exerce sur nous. Certains emploient notamment le modèle du panoptique de Bentham, repris par Foucault pour décrire la société disciplinaire, la société de contrôle. C'est notamment, alors je pourrais vous donner les noms, mais il y a des travaux assez intéressants qui ont été construits autour de ce modèle pour décrire le futur métier d'enseignant-chercheur qui nous attend. Je crois qu'il ne faut vraiment pas négliger l'incidence quotidienne que cela va avoir sur notre vie de chercheur et d'enseignant. On a levé les boucliers contre le classement des revues, contre les fiches. Alors, si vous êtes au CNRS, vous avez peut-être vu passer, il y avait des fiches personnalisées, des fiches bibliométriques. Voilà. Ma question, c'est la présence de masques, c'est un lieu de résistance. Alors, si vous, votre... Vous savez que même les présidents élus sur et syndicales, enfin qui issus de listes syndicales et soutenus par le SNESUP, même ces présidents-là ne sont pas très résistants une fois entrés en fonction. Et je le dis en étant élu du SNESUP, hein, j'arrive de la CA. Donc on est très autocritique vis-à-vis de ça. Mais voilà, je vois pas très bien, mais peut-être, hein, rêvons. Je passe le micro à Robert Simon et puis peut-être tout à l'heure à Michel. Oui, moi je crois qu'il faut effectivement absolument bannir l'idée que ce que vous nous avez décrit si bien serait un monde irrationnel et inefficace. Il l'est peut-être, mais il entraîne la conviction de beaucoup de nos collègues d'abord. Je dirais toute la mouvance. La mouvance sarkozyste est faible dans nos milieux. Mais il y a une grosse mouvance, je dirais, allégrienne, hein, d'une certaine façon, qui participe très fortement, avec beaucoup de conviction, à la mise en place de ces processus, parce qu'ils les jugent rationnels, parce que c'est vrai, hein, il y avait de mauvaises pratiques dans nos milieux, c'est un peu inévitable. Moi, j'ai toujours pensé, réfléchissant sur ma scolarité, que les mauvais profs que j'avais eus avaient été largement compensés par les bons. Hein. Et c'est aussi ça, la vie. Hein. Et c'est peut-être ça qui est intéressant. Alors, nous avons une association d'étudiants, l'École des hautes études, qui... je ne sais pas si les étudiants bénéficient bien de notre enseignement, mais ils ont parfaitement compris tout ça. Et ils nous le répètent, hein, dans les commissions master. Et bon, ce sont des étudiants charmants, mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'ils assimilent extrêmement bien. Alors, moi, le point sur lequel je voulais insister, c'est qu'aussi, il y a une défaite intellectuelle interne à nos milieux. Parce que ces choses-là... Finalement, c'est une vulgarisation de travaux de gens qui sont des collègues. On dit ici que serait l'École des hautes études sans sciences économiques. Et c'est vrai. Et là, je fais référence à ce prix Nobel d'économie qui est Gary Becker, hein, l'homme du capital humain. Il y a des choses merveilleuses, d'ailleurs, aussi dans les discours de Staline sur le capital humain, comme on sait. Alors, Gary Becker n'est pas le plus ultra-libéral, hein, dans l'école de Chicago. Et même il y a des choses qui peuvent être intéressantes, hein, dont on peut s'emparer dans ce qu'il a dit. Mais ce qui caractérise le discours des économistes, c'est leur force de l'analyse économétrique, qui est alliée à une morale, lui c'est l'altruisme générationnel. Il y a aussi, et alors ça donne des choses qui sont totalement infantiles, qui ferait rire n'importe quel sociologue, anthropologue, historien, etc., mais qui passe assez facilement, je dirais, les barrières de la communication, de l'infocom, hein, qui est quand même une des références de ce système. Alors moi, je pense que je ne nommerai pas ce collègue, pour qui j'ai d'ailleurs le plus grand respect, hein, et qui est un grand collègue, mais vous savez, celui qui... a pondu un rapport, hein, pour expliquer que dans les lycées il fallait pas il fallait cesser d'enseigner les sciences sociales mais enseigner exclusivement les sciences économiques. Et alors ça c'est une défaite absolument fondamentale. Alors peut-être trouvera-t-on mon voisin par exemple qu'on enseignait trop Bourdieu dans les lycées. Ben, je dirais que c'était sans doute un moindre mal. Et alors bien entendu vous avez raison, hein, tous ces processus, ils ont été mis en place dans le secteur secondaire et le secteur tertiaire, comme on disait autrefois, bien avant. La culture, la connaissance n'est plus un bien en soi, ce qui était un acquis des Lumières, hein, peut-être un peu vieilli. Et puis d'autre part, ce qu'on vit avec la Commission européenne, c'était pas évident du tout que ça se mette en place comme ça. C'est le remplacement, enfin la régulation sociale passe par la concurrence et non plus par le service public, qui est quand même la bête noire des gens de l'école de Chicago. Alors, si vous voulez, moi, je crois qu'à notre niveau, bon, on n'a pas été inconscient sur le plan politique. On ne s'est pas désintéressé de ce qui est arrivé aux autres, mais on a exprimé notre solidarité en tant que citoyen, pas en tant que salarié, travailleur de l'université. Hein. Et là, il y avait certainement une faille qui est d'ailleurs celle du mouvement syndical globalement, hein, dans notre pays et en Europe, et c'est vrai, mais il y a aussi, disons, une défaite qui est plus interne. Je veux dire que c'est une défaite culturelle, une certaine victoire dans les sciences sociales de la conception économique, hein, de nos collègues économiques face à nous tous, hein, en face. Peut-être un mot pour tempérer le propos de Robert sur la défaite. Moi, ce qui me semble, c'est que devant une idéologie aussi totalitaire et apparemment puissante, je crois qu'on a besoin, je ne sais pas comment dire ça, d'un réarmement de la pensée. Il comprend certainement une dimension qui nous a manqué, qui consiste à dire, après tout, on est traité aujourd'hui comme l'étaient les travailleurs de Toyota il y a déjà 40 ans, et ça nous apprendra de ne pas l'avoir compris plus tôt. Complètement d'accord. C'est une façon, je crois, citoyenne et politique d'exenclaver nos problèmes universitaires. Et de ce point de vue, par exemple, le travail que fait Claude en permanence pour rappeler, j'allais dire boulevard Raspail, c'est plus là, rappeler aux collègues des hautes études qu'il y a les étrangers qui, c'est quelque chose d'absolument crucial. Donc on a une première chose à admettre, c'est que après tout, ce qu'on nous fait, on le fait au postier, on le fait à l'hôpital, on le fait dans les autres services publics, etc., etc. Ok. Il n'en demeure pas moins que... C'est en tant qu'enseignant, c'est en tant que chercheur, c'est en tant que professionnel de ce métier, qui est ni meilleur ni pire qu'un autre, hein, c'est à partir de cette réalité sociale et professionnelle qui est la nôtre que nous avons, que nous pouvons réagir, c'est-à-dire réagir ensemble. Alors, il faut à ce moment-là inventer des bases éthiques, intellectuelles, des indignations, des résistances, des refus qui sont fondés sur une sorte de trop c'est trop. Voilà, alors, des ressources de ce genre, on en a plein, je crois, dans notre petit monde où tout le monde se hait, où tout le monde est en concurrence avec tout le monde, où on est d'une mesquinerie absolument indescriptible, etc. Il y a quand même quelque chose qui relève, je ne sais pas, de la morale, quoi. Bon, la morale du service public, la morale du savoir gratuit, le fait que nous sommes là pour nos étudiants, et pas pour les agences de notation, etc. Toutes sortes de choses comme ça que nous partageons avec... qu'aucun de ceux qui se laissent tenter par toutes ces horreurs n'aurait le courage de nier publiquement. Donc, voilà, excusez-moi, là je fais du prêchi-prêcha parce que c'est une affaire quasiment éthique, quoi. Voilà. Donc moi, je pense qu'on peut chercher à créer ces fictions basées sur des croyances, les fictions que sont les nous professionnels, probablement inscrits dans des vieilles choses qui se sont construites institutionnellement depuis, bon, pas tellement le siècle qu'a fabriqué l'université d'aujourd'hui. Donc voilà, excusez-moi. Donc là, je m'arrête là. Je passe la parole. Oh, pardon. Il y avait une demande de prise de parole. Oui. Peut-être débordera-t-on un tout petit peu les 19h. Si vous ne voulez pas répondre, personne ne nous chasse. Merci. Oui, Elie Haddad, CNRS et membre du CA de SLU. Je vois une limite à ton propos, Christian, qui est que le système qui nous a été décrit par les deux intervenants pose exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il se pose comme participant de la satisfaction du public, mais qui est compris au sens anglo-saxon du terme, mais non plus au sens du service public tel qu'il a été développé dans un système français. Et c'est une vraie difficulté parce que ça a un impact. C'est-à-dire, je suis très frappé de voir à quel point on a affaire à un langage qui tord la réalité, mais qui la tord de manière efficace. C'est-à-dire qu'il y a des appropriations possibles de la part de plein de personnes, parfois de manière tout à fait étrange. J'ai souvenir, par exemple, de collègues qui ont participé aux manifestations, aux luttes de manière très, très active, qui sont membres d'associations, etc., qu'il m'a été absolument impossible de convaincre, par exemple, que le système des ETCTS et donc ce qui avait été mis en place lors de la réforme de LMD était déjà structurellement pris dans l'ensemble des réformes. Et il ne voulait pas le croire au nom de, précisément, un certain nombre de choses qui avaient à voir soit avec la satisfaction des étudiants, etc. Donc, je crois que là, il y a un travail qui est plus difficile que le simple appel à la morale du service public et qu'est-ce qu'on fait face à une idéologie dominante quand ce qui permettrait d'affronter, c'est-à-dire une autre conception qui est fondée sur des notions, enfin un contenu donné, sémantique donné au mot qui est différent, est en fait en position extrêmement dominée, parce que je crois que c'est le cas en fait. Et donc, à mon avis, j'ai été frappé, hein, le mot totalitaire est revenu à plusieurs reprises, c'est celui qui m'est apparu. On peut déplier, je crois, tous les éléments du système qui, parce qu'ils font système, sont à tendance totalitaire. Il y a un réductionnisme de la réalité très fort. En l'occurrence, c'est un réductionnisme quantifiable. Il y a une transformation générale des individus comme des structures qui est voulue par... par ce système. Tout ça fait croire, porté par l'idée que ça reposerait sur le bien et la satisfaction de tous, avec de chaque individu, chaque individu étant en fait réduit au client, mais ça c'est l'assimilation encore des termes qui fait qu'on peut jouer là-dessus. Il y a une langue autoréférencée et qui tord complètement le réel. Il y a une machine bureaucratique qui fonctionne comme dissémination d'une technique de pouvoir à tous les niveaux, mais qui, en fait, cette technique de pouvoir renvoie à un niveau qui est extrêmement élevé. Il y a des acteurs qui sont sommés de participer sans échappatoire et d'adhérer au système, d'adhérer véritablement. Et ça, ça vaut pour tous les domaines, pas seulement pour l'enseignement supérieur et la recherche. Ça fait beaucoup. Et en plus, c'est un système qui prétend un perfectionnement général. Alors, si je reliste ce que vous avez dit, voilà, moi, je vois tous ces éléments-là. Et voilà, l'appel à l'éthique ou à la morale du service public face à ça, Est-ce que c'est suffisant? Merci. Catherine Vilcas, Université de Limoges. Alors j'aurais des questions peut-être beaucoup plus juste de précision, de détails, mais en même temps qui peuvent peut-être servir à dénoncer certaines pratiques de cette nouvelle démarche qualité. Alors je me posais la question quand j'ai vu, alors j'ai un peu travaillé récemment aussi sur les documents de l'AERS et de la déclaration de Desnos qui disait qu'il souhaitait alléger les procédures, donc que l'auto-évaluation par les universités, si on les forme, on va bien sûr faire de la formation, parce qu'il y a des gens qui en profitent, il faut bien des formateurs derrière, donc il y aura des formateurs qui vont répandre la bonne parole de l'auto-évaluation. Parallèlement à ça, j'ai vu qu'ils n'arrivaient pas manifestement à assurer les expertises, puisqu'on a failli être reculé d'un an, pour nous, en ce qui nous concernait à Limoges, finalement on n'a pas été reculé, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas le temps matériel, je crois qu'ils croulent, alors c'est un bon moyen, est-ce que l'auto-évaluation, c'est pas en plus un moyen d'alléger le travail des pseudo-experts? Et de faire le boulot de plus en plus comme on le fait faire aux clients à la poste, hein. Donc de la même façon, tout en se faisant certifier sur la qualité de procédure, est-ce qu'on ne peut pas dénoncer justement que cette qualité est précisément de l'incompétence, quand on voit même les termes de l'ERS appelés sciences dures, tout ce qui est physique, biologie, etc., les sciences dures, entre guillemets, ça n'existe. Aucun bon scientifique n'emploierait ce terme. Or, pour eux, il y a les trois catégories, les sciences dures. Les sciences dures, c'est employé en rigolant par des chercheurs. Donc, on voit que ce n'est pas des professionnels de la recherche, ce n'est pas des scientifiques qui font ça. Donc, ce sont les managers. Alors, jusqu'à quel point on ne pourrait pas pointer comme ça les nombres d'incohérences qui surgissent dans les machineries, dans les... Il y en a un certain nombre. Alors, j'avais la question de la note, la fameuse note, je crois, de l'AERS, a été critiquée même par l'agence, je crois, ENCA. J'avais lu le rapport de l'ENCA qui critiquait le fait que l'AERS note. Donc quand on dit le système anglo-saxon, là je voudrais juste peut-être nuancer, je ne suis pas une spécialiste du système anglo-saxon, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'AERS aux États-Unis. C'est pas vrai. Oui, ils sont passés au RAE, Research Exercise Assessment, n'a pas fait du bien. C'est vrai que la Grande-Bretagne a centralisé, mais les États-Unis, non, ils n'ont pas une agence universelle, centralisée, bureaucratique, pour évaluer tout le monde, toutes les formations. Enfin là, on est champion quand même, je veux dire. Bah, leur système d'agence est différent quand même. Les agences de notation des universités, de l'ensemble des universités, etc., pour les mettre en concurrence les unes avec les autres. D'accord. Pour la recherche aussi. Nos agences de notation financière. Et pour la... Ah oui, d'accord. Qu'on connaît, qui donne ces classements des universités, etc. Ça a été repris par Shanghai. Mais la NSF, par exemple, un conseil scientifique, oui, la NR n'en a pas. Enfin, ce genre de comparaison, oui, où on se dit qu'on fait de l'anglo-saxon, C'est encore parce que ce sont des agences privées. Aux États-Unis, pour la recherche? Pour la recherche, oui. Ah bon, d'accord, je ne savais pas. La recherche aux universités. D'accord. Voilà. Non, mais c'était à peu près... Observe la violence que ça a sur le service, mais le travailleur lui-même, celui qui va de plus en plus être face, tout seul, face à son évaluation, ce qui est une violence extraordinaire. Il y a quand même des labos en France où on a déjà observé en 4 ou 5 ans des évolutions de comportement collectif absolument extraordinaires. Je prends l'IRD en biotech, je prends des cas très particuliers où ces processus d'évaluation ont en partie été anticipés par rapport au dispositif français. Donc il y a aussi des disciplines où le mode d'évaluation a changé très très vite, et il y a déjà entre 5 et 10 ans, et moi j'ai des copains scientifiques qui me disent la violence que ça a en 3, 4, 5 ans, c'est proprement incommensurable. Et cette violence-là, moi je la vis en tant que parent d'un gamin qui est dans une école primaire, d'une école maternelle, où les gamins ont des... Ça a été noté, ça a été voté il y a quelques semaines dans l'espace des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, un carnet de compétences arrive à la rentrée pour la maternelle. Hein. Non, mais ça, c'est l'enseignant et le directeur d'école. Et je vous garantis que les enseignants et directeurs d'école qui vont contester le fait de mettre en place ça, il va falloir qu'on les compte. Donc quand on est là-dedans, c'est toute la chaîne éducative où on a une évaluation. Il y a le carnet des enfants. Le carnet des enfants qui maintenant va suivre mon gamin de la première école maternelle jusqu'au lycée. C'est quasiment le carnet ouvrier du 19. Il en est question aussi pour les étudiants européens. Tout à fait, oui. Il y a les passes, les europasses. Ouais. Oui, ça on le voit. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, je partage tout à fait. Ce qui arrive dans le mode de management et dans les indicateurs est à l'œuvre sur deux grands secteurs que moi j'observe. Un, l'éducation du primaire, enfin de la maternelle à l'enseignement supérieur, et sur la culture. Regardez le discours d'excellence artistique du ministère de la Culture depuis en gros une quinzaine d'années. sur les centres nationaux les centres nationaux artistiques. Vous l'avez, le discours de l'excellence, le discours de l'évaluation, vous l'avez dans les théâtres nationaux, vous l'avez dans les... donc je dirais que sur l'appareil de connaissance et de rapport au monde entre la culture et l'éducation, c'est exactement les mêmes processus. Et quand je vois les documents que remplissent les directeurs de centres nationaux aujourd'hui sur l'excellence de leur centre par rapport au rayonnement territorial et l'émergence de fondations privées particulières qui abondent au retrait de l'État, excusez-moi, ça ressemble quand même méchamment à ce qui est en train d'arriver à l'université. Donc je dirais que le rapport au territoire, le rapport politique au territoire d'existence de ces institutions-là est à mon avis assez crucial. Avec qui on travaille sur des territoires particuliers, parce que l'ancrage territorial de ces espaces de l'ABEX, etc., est très très très marqué. Donc je dirais il y a peut-être là aussi des espaces de voilà. Merci beaucoup. Ah oui, ça va être très bref, puisqu'en fait, l'essentiel des informations sont déjà sur le site, il me semble. Donc, j'ai assisté samedi dernier à une réunion à Dijon, initiée par des collègues et notamment pas mal d'étudiants, je crois, sur une initiative d'un contre-sommet G8 à Dijon, puisque en fait le G8 va connaître différentes réunions thématiques, et donc une concernera l'enseignement supérieur et la recherche et aura lieu à Dijon. Et donc nous avons, le séminaire a été donc contacté par une collègue et a décidé en effet d'accepter la proposition de se délocaliser là-bas dans cette période entre le 5 et le 7 mai prochain. Et donc nous aurons une séance sur place. Voilà. Et on aura... Bah, le séminaire et ceux qui assisteront dans le cadre d'une série d'ateliers, d'actions diverses et de conférences. Il y aura déjà, je sais, quelques personnes, notamment Christian Laval sera là-bas et d'autres. Donc nous allons prendre contact avec des personnes et faire une séance ad hoc. C'est un contre G8 de l'enseignement supérieur, voilà, et de la recherche auquel nous apporterons de modestes contributions, voilà, en espérant qu'il y aura beaucoup de monde. Mais ne... Pardon ? Ah non, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une vaste liste de thèmes, mais l'appel, la version finale de l'appel sera bientôt disponible, et bien sûr, elle sera sur notre site. Merci.